Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Deux fois plus de hits avec le spécial. Deux fois. Et deux chroniques, c'est un fait, pauvre toi. Aha. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis. Ben oui, tu chantais bien en plus sur la note. Je chante tout le temps bien, Mathieu. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce mercredi 20 octobre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Bonjour les requins, bonjour à toi, François. Bonjour à toi, Mathieu. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Manque de concentration aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que je focus. Petit manque de concentration aujourd'hui. Par contre, il fait plus chaud qu'hier dehors. Ah, ben de 1 degré, de 0.5 degré. Non, de pratiquement 7 degrés. Ah ouais? Oui, tout à fait. Un matin, c'est très confortable. Donc, Peut-être une belle journée, qui sait? Moi, j'ai un truc de téléportation entre chez moi et ici. Je ne vois pas l'extérieur. Ouais, parce que je refuse d'être dehors. Ouais, dehors, c'est pour les autres. Et quand tu marches le matin, j'ai l'impression que tu dors encore. Merci. Merci. Est-ce que tu regardais mes fesses? Non, ben tu t'en viens de face. Donc, ah, OK. Bon. Je regarde tes genoux. Pauvre toi encore. Et que voulez-vous? Aujourd'hui, c'est la spécialité deux fois. On va vraiment avoir beaucoup de plaisir avec ça. Si vous connaissez pas encore le concept des deux fois, je vous l'explique et je vais devoir vous demander de vous asseoir parce que ça va vous jeter à terre, premièrement. Vas-y, Mathieu, explique-nous. On joue deux pièces, OK? Non. De chaque... Ben, pas chaque. De plusieurs artistes. Ouais, c'est ça, exactement. Aïe, aïe, hein? Oui. Des fois, c'est deux pièces qui se retrouvent pas sur le même album. Des fois, ouais. On essaye aussi de mélanger, de trouver une certaine thématique. Ben, c'est comme un vari-bari, ça. Un vari-bari, exactement. C'est ça. Le petit poulet popcorn. Oui. Bain de la sauce, mm-hmm. Bien arrosé. C'est ça. C'est ça, c'est fou. Exactement. C'est comme une radio remplie de sauce. Oui, avec des ingrédients alléchants comme toi et moi. Et aussi des ingrédients de qualité. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ben oui, c'est la chronique deux fois. Et puis, deux chroniques, c'est un fait. Oui, c'est ça. Ben, je me suis dit, tu sais, on est dans le thème du deux fois, donc on va faire deux chroniques, c'est un fait, parce que plus de faits égale plus de fun. Fun. Yeah. Ouais. Ben, écoute, ça commence avec la même lettre. Ah, ben il y a ça. Il y a deux F, deux fois F. Tout à fait. On ramène aussi un excellent bloc que vous allez apprendre à savourer avec le temps. On ramène le poste d'écoute tout à l'heure. Mais pour l'instant, on commence en musique et on va commencer tout de suite, déjà. Attends, le numéro uno. Et non pas le numéro 2, le numéro 1 du palmarès, côté francophone. OK, alors je viens de catcher ce que tu veux dire. Numéro uno. Ouais, Frère Goyette. Est-ce qu'on fait un petit bloc qui était deux fois tout de suite? OK. Ben. OK. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Et pour Oui, premier bloc qui était deux fois. Je t'ai pris par surprise, je pense. Je pensais pas qu'on allait commencer ça, là. Je pensais pas qu'on commençait ça sur les chapeaux de roue. Mais ça a l'air que oui. Les chapeaux de roue virent. Est-ce que c'est ça? Ils virent-tu? Ça vire-tu? Ils virent les deux en même temps. Ah, les quatre. Des roues, les petites. Deux fois deux. Ah, ben je comprends ce que c'est. Faut tout le temps multiplier par deux aujourd'hui, tout ce qu'on dit. Et aussi tout le temps tout m'expliquer, apparemment. Donc on va écouter les frères Goyette avec leur numéro 1 du palmarès francophone en ce moment, c'est La balle est dans mon camp. Et après ça, on va suivre ça avec un classique des frères Goyette, de Dante. De Dante. Hein? Je t'intrigue, hein? Ben, oui. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est l'assemblage requis. Il est 8h, 7h16. Bonheur, hein? Il est de bonheur. Mais il fait beau. Tout le monde fait plus chaud bonheur. Dehors. Il fait chaud. Dites-vous au moins, il est bon, mais il fait chaud. Il fait chaud. C'est bon. C'est une bonne pièce? Ouais. Ça va être une bonne journée. C'est vendeur, ça. Faut se dire ça. Aujourd'hui, c'est une bonne journée.

penser à toi et à ta belle famille. Vous qui aimez les viandes sauvages, on vous ramène de voyage. Une belle marmotte qui est morte et qui a gonflé sur le soleil. Ça, c'est un classique des frères Goyette, vraiment. Là. Puis l'autre, c'est un classique, mais en devenir. Un nouveau classique, un classique instantané, comme on dit dans le domaine, je trouve. Ça, c'est la pièce « Ça craque au soleil » de leur album « Minimiser les dégâts ». Et la première, on a entendu « La balade dans mon camp », qui est numéro 1 cette semaine au niveau du palmarès de « C'est fou ». Toujours des frères Goyette, évidemment, parce qu'on est dans le spécial. La spécialité deux fois. Deux fois. Il est deux fois. C'est comme ça qu'on l'appelle. On ouais. présente des blocs de deux pièces. C'est moi, je pense qu'on va faire des millions avec cette idée-là, premièrement. Je trouve que c'est une idée révolutionnaire. Donc, l'argent ne peut que s'en venir. Oui, tout à fait, Mathieu. J'espère bien. Tout à fait. Donc, tout au long de l'émission, en fait, ça va être ça. Tout à fait. Et même le contenu de l'émission, le si peu de contenu qu'on a aujourd'hui, c'est un fait. Maintenant, oui. on va à deux. Oui, mais les nouvelles que je vais vous amener... Tu vas me les dire chacune deux fois. Non, c'est ça. Non. C'est là une fois pour commencer. Non, c'est ça. Eux autres, je les répéterai pas. En fait, je te parle de Théorin Fleury. Théorin Fleury. D'accord. Connais-tu? Non. Tu sais pas c'est qui? J'ai aucune idée. Non, joueur de hockey au niveau de la Ligue nationale de hockey. Normal alors. Oui, mais très bon hockeyeur, super joueur en fait. On pourrait être classé comme un méga star en fait au niveau de la Ligue nationale qui vient d'ajouter un titre d'auteur-compositeur-interprète à son curriculum vitae. Eh oui, tout à fait. L'ex-joueur des Flames de Calgary a composé et enregistré une chanson, Country, qui fera partie du prochain épisode de Battle of the Blades. Est-ce que tu connais? C'est l'émission de télé-réalité de patinage. Ouais. Est-ce que non? Oui, je connais ça. C'est comme un Dancing with the Stars, mais c'est comme un match des étoiles. Ouais, c'est ça. Sur patin. Ouais. Avec des joueurs de hockey, c'est ça. Et puis des vraies danseuses de patin ou de patineurs. Des patineuses artistiques, là, en fait. Professionnelles, ouais, c'est ça, exactement. On retrouve des noms au niveau des patineuses comme Jamie Salé, Bourne, moi je connais pas. Isabelle Brasseur, ici très connue, ici au Québec. On retrouve des joueurs de hockey comme Patrice Brisebois, Valérie Buré. Théorin Fleury, évidemment. PJ Stock. C'est le seul que je connais. Oui, c'est vrai. Lui qui est commentateur. Hein? Oui, c'est ça, à la radio. Oui. Oui, j'ai vu ça. Mais est-ce que t'aimes ça, ce concept-là, Mathieu? Ben, je trouve le concept super intéressant. Je trouve qu'au Canada, je trouve que ça peut pas être autre chose qu'un succès. Parce c'est que là, tu combines le patinage que les madames adorent, puis tu combines le patin que les gars adorent, et mets ensemble sur CBC un poste que personne n'écoute. Ouais, c'est super le fun. Non, mais je trouve le concept intéressant. Je trouve ça plate, par exemple, qu'on diffuse pas ici, mais on diffuse là, sur CBC. Là. Ouais, mais en français, ouais, c'est à Radio-Canada, ça. Mais je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça va venir. Yeah, Dancing with the Stars, une émission avec des vedettes que même les Américains connaissent pas, puis ça joue aux États-Unis, cette émission-là. Puis on joue ça à Musimax. Sérieusement. Okay. Mais je ne comprends pas pourquoi Radio-Canada n'a pas emboîté le pas et faire les deux en même temps. Oui, les deux compétitions indépendantes, même pas juste doublées ou sous-titrées, complètement une compétition avec des gens francophones dedans. Non? Oui, ou avec, parce que veux pas, les tu sais, on se dit comme étant un pays ici au Canada, mais pourquoi on fait pas les trucs en même temps? Ok, je comprends. Tu veux dire avec les mêmes invités dedans, mais. On se dit bilingue, mais en théorie, c'est deux pas deux mesures. C'est vraiment. C'est ce que je trouve plate parce que des vedettes de hockey, en fait, qui soient anglophones ou francophones, pour les amateurs de hockey, je pense que ça a plus ou moins d'importance. C'est vrai. Parce qu'on les connaît aussi et puis sont bons. Donc, à ce niveau-là, j'aurais aimé ça que ça se fasse les deux en même temps. Ouais. Peut-être l'année prochaine. Parce que, tu sais, CBC a adapté les hauts et les bas de Sophie Paquin et puis Rumeur en anglais. Vrai, c'est vrai. Au Québec, pourquoi on fait pas même affaire avec des émissions à succès canadiennes-anglaises comme Battle of the Blades? Ouais, en tout cas, grand succès. J'aimerais ça venir voir ça ici pour voir ce que ça donnerait. Mm-hmm. Je sais pas. Moi, je pense que les gens accrocheraient vraiment beaucoup. Bref, en tout cas, c'est ça. Je reviens à Théorin Fleury. Il a fait sa chanson dans le cadre de l'émission Battles of the Blades qui se déroule à CBC. Et ils vont patiner en fait sur la chanson qu'ils ont enregistrée. Ah, une chorégraphie et tout. Ça. La pièce est intitulée As the Story Goes. Ah, c'est ce que l'histoire raconte. Ah, exactement. Et puis, donc, on va pouvoir voir ça, je pense, la semaine prochaine. Donc, au niveau de CBC. Ouais, c'est bien. Oui. Ce sera pas comme Jonathan Roy, ça. Ben, je pense pas. C'est du country, fait que... Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Dans l'Ouest, on sait qu'ils sont fanatiques de country. Quand on pense à des groupes comme, mettons, Ilya Broad, tu sais, qui ont un petit air de guitare. Folk. Ouais. D'accord, c'est bien ça. Pierre Fleury. Mais c'est surprenant quand même. Je pensais pas que. Je sais pas. Non, qu'il avait du talent en musique. Mais écoute, je l'ai pas entendu. Je vais être franc avec vous, là. Je l'ai pas entendu. Sinon, sûrement qu'on en ferait passer un extrait. Mais je pense que CBC essaie de se garder la primeur, ce qui est tout à fait légitime. Oui. Vous êtes toujours Assemblage Requis, émission du matin en pièces détachées. Aujourd'hui, c'est spécial. Il était deux fois, donc deux présents. Wow. Que des blocs de deux pièces d'un seul et même artiste ou groupe, comme ils disent. Oui. Voilà. On va écouter. Non, mais moi je vais pas de main morte, là. Un autre bloc deux fois. Parce que dans notre monde, y'a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. Peu importe. Drop ça. Deux fois. Drop ça. Peut-être pas la jouer à chaque bloc. Ouais, elle est longue, hein, quand même. C'est un bon 20 secondes. Un bon 20 secondes. Hey, Mathieu. Oui. Je trouve qu'on est en feu ce matin. On fire. Fire. Welcome to the house on fire. Non, mais ça a un lien si ce n'est que Final Flash, mais nous ne jouerons pas non, cette pièce. Non, parce que là, on a beau des fois s'attarder sur une seule pièce et la jouer souvent, mettons. C'est ça, faut pas s'acharner dessus. C'est ça, on se calme un peu les pompons. Si on a le goût. Oui, François en a particulièrement le goût. Lui, il écouterait... il pourrait faire une émission spéciale d'Assemblage Requis à un moment donné. Final Flash. Juste Final Flash. Mais aujourd'hui, on va s'écouter deux pièces hein, que tu as choisies. Oui, la première et la dernière. Awakening. The Awakening, ça c'est la dernière, la dixième de l'album intitulé, Mathieu peut peut-être nous le rappeler. Homeless, très belle pochette, soit dit en passant. Oui, ça a l'air métal, mais ça n'est pas. Et puis, on va écouter aussi la première chanson de l'album et qui se nomme Chosen Generation. Assemblage Requis sur ses fous. Here comes the sandman to burn. C'est fou ça. À Mexico. 89.1. À Mexico. Sur le net au cfou.ca. À Mexico et Pemos. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Thank you. Elle t'imite bien de petit ring. Air Guitar, c'est moi le king. Ah ouais, hein? Ouais. Hey, c'était Fun and Flash avec la pièce The Awakening. The Awakening! The Awakening, man. C'était très, très bon. C'était notre deuxième bloc. Il était deux fois de la journée. On a entendu deux pièces de Fun and Flash au début du bloc. C'était Chosen Generation. Ouais, on a commencé l'émission avec deux pièces des Frères Goyette. Ouais. On suit ça de Fun and Flash. Ouais. Une petite chronique, c'est un fait. Mm-hmm. Après ça, ben je vais te laisser. On va laisser un petit suspense. Il y aura un autre bloc qui était deux fois juste après, c'est un fait. Mais pour l'instant, mais c'est ça qu'on fait. Parce que dans la vie, il y a des choses que vous devriez savoir nécessairement. D'autres choses que vous pouvez juste vous aimer ça le savoir pour vous en vanter que vous le savez. Hein? Oui, pour dire je le savais. C'est ça. Un plein de bons faits pour vous mettre sous la langue. Hein? Sous la langue. Voilà. Commençons au Japon, où ils distribuent apparemment des iPads aux lutteurs sumo parce que les cellulaires sont trop petits pour leurs grosses mains. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent sur Internet. Ils vont distribuer des iPads à 51 lutteurs sumo au Japon dans ce qu'on appelle des stables. Tu sais, comme les chevaux, là. Ou les stables, les écuries. Les écuries, exactement, des écuries de sumo. De sumo. De lutteurs sumo. Donc, comme ça, les stable masters, donc les gens qui s'occupent de ces joueurs lutteurs sumo, n'auront pas à, ben, vont pas les contacter plus facilement que par cellulaire parce que dans le passé, les lutteurs, ils ne réussissaient pas à recevoir l'information, par exemple, par téléphone ou par fax à cause de leur cellulaire. Bizarre, hein? Très bizarre. Bizarre. 51 iPads au Japon. Ils sont chanceux. Ben oui, ça vaut cher. Ben oui. Vos petits gadgets comme ça. Savais-tu, François-Olivier, que les souris n'aiment pas vraiment le fromage? Ah non, vois-tu, je l'ignorais. Dans la réalité, les souris préfèrent des nourritures avec plus de sucre. Par exemple, leur diète, c'est surtout des fruits et des graines. Les fromages ont une odeur un petit peu trop intense pour les souris. Bizarre, hein? Peut-être bizarre. Je sais pas trop pourquoi. Savais-tu que le nom de Lego vient du danois? Ça dit Leg Godet. Godet. Ce qui veut dire play well, bien joué. Lego. Ah. Bien joué. Ah, non, je ne savais pas. Est-ce que tu connais la chaîne de pharmacie CVS? CVS. Non, ça ne me dit rien. Eh ben, hey, ça... J'ai de l'air d'un aigu. Ben non, mais c'est pas grave, c'est bien correct. Ça vient de Lowell, au Massachusetts, en 1963. C'est là que ça a été fondé. Les initiales CVS veulent dire Consumer Value Stores, magasin de valeur aux consommateurs. Comme distribution au consommateur. Ouais, c'est la même chose. Je sais pas s'ils commandent leurs médicaments par catalogue. Je sais pas, mais oui, hey, quand même. Tu connais l'équipe de basketball, les Suns de Phoenix? Oui. Oui, ben ça vient d'un concours. Leur nom vient d'un concours en 1968. C'était le Neymar New NBA Team Contest, un concours pour nommer la nouvelle équipe de l'NBA. Hein. D'autres noms qui auraient pu gagner, les White Wing Doves, les Poobas, les Cactus Giants et les Dudes. Et les Dudes. Les Dudes. Oh, ça aurait été pas pire. Et c'est quoi les Pumas? Les Poobas. Les White Wing Doves. Ça, c'est des oiseaux. Là, les cygnes. Là. Les cygnes, exactement. Avec les ailes blanches. Des cygnes aux ailes blanches. Ça, c'est une équipe de basket de viril, toi. Ouais, mais les Poobas, c'est quoi un Poobas? Ah, bonne question, je sais pas. Non. Ok. Non plus. Je pense que c'est comme genre un grand chef, là. Ça se peut-tu, quelque chose genre? Une personne. Attends un peu, je l'ai ici. Person of high position or great influence, une grande influence, une personne en position de pouvoir, un poubaz, un chef. Ah, ouais. Les grands chefs, mettons. C'est ça, genre, c'est pas pire? Comme pas nom. Pire. Les poubaz. Savais-tu que John Travolta, on a déjà parlé de lui dans un fait précédent, comme de quoi qu'il avait refusé un rôle. Tu sais, on avait dit que Forrest Gump, il y avait plusieurs acteurs qui avaient refusé le rôle. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, John Travolta a dit non au rôle de Tom Hanks dans Forrest Gump. Ouais. Aussi dans The Green Mile, aussi dans Splash. Donc, il aurait pu avoir ces rôles-là. Toutes des rôles Green de Tom Hanks. Ouais, ok. Et Splash, ça me dit rien, par exemple. Splash, c'est le film avec Daryl Hannah, elle joue une sirène. Dans un grand bocal d'eau, puis là, il l'amène vivre chez eux, je sais pas trop quoi. Non, c'est classique. Ouais, mais je l'ai pas vu. J'ai vu. Faudrait que tu le vois en fait parce que c'est. C'est très bon. C'est beau. Ouais, ok. C'est pas bon, c'est très beau. Ben, c'est un genre, mais c'est beau. C'est bon. Sacré Mathieu. Eh oui, tu connais la série de Dukes of Hazzard, de Shérif, fais-moi peur, bâtard. Shérif, fais-moi peur. Tu connais ça, Shérif, fais-moi peur? Ouais. Il y a eu un film là-dessus à Hollywood, là, récemment. Ben, ouais. Semi-récemment, maintenant. Oui, ça va. Donc, quand The Dukes of Hazzard était au sommet de sa popularité, la General Lee, qui était la voiture dans cette série-là, recevait au-dessus de 30 000 lettres de fans par mois. Un char! 30 000 lettres de fans. Il est beau. Oui, c'est ça, il est très beau. Entre autres. Les affaires qu'il y a dessus, des fois, sont plus belles que ça. Même. Ouais, tout à fait. À faire, excuse-moi. Les filles. Des filles. Les choses. Bon, changeons de sujet. Pour un autre fait intéressant que vous allez peut-être aimer. Allons-y avec ça. Savais-tu que la plupart des oursons en peluche sont fabriqués avec une expression neutre sur leur figure pour que les enfants puissent projeter leurs propres émotions? Dans le sens que, tu sais, c'est pas un sourire, c'est juste une ligne. Comme ça, les enfants peuvent s'imaginer que l'ours est fâché ou que l'ours est heureux. Ah, okay. Ah, c'est brillant. C'est très, très brillant, ouais, j'aime ça. Savais-tu que Teddy Roosevelt est le plus jeune homme à être devenu président à l'âge de 42 ans, alors que John F. Kennedy est le plus jeune homme à avoir été élu président à l'âge de 43 ans parce que l'autre n'avait pas été élu? Hein? 42, 43 ans, c'est pas si pire quand même. Pas pire. T'as encore un bout de ta vie devant toi. Oui. Amanda, tu connais la série Fraggle Rock? Fraggle Rock. C'est avec des mopettes, là, Jim Henson, etc. C'est des marionnettes, Fraggle Rock, genre dans une grotte ou préhistoire, ou je sais pas trop l'histoire. Non! Ah, les gars, avant de changer de nom pour devenir Fraggle Rock, Jim Henson avait originellement appelé la série Woozle World. Woozle World. Woozle World. Bizarre, hein? C'est pas aussi beau que Fraggle Rock. Non. En 1950, Zenith a créé la première télécommande qui s'appelait la Lazy Bones. Lazy Bones. Hein? J'aime le nom. Pas pire, ça. 1950. Télécommande 1950. Avec fil et tout, non? OK, c'est ça, avec fil. Mm-hmm. Parce que, écoute, une petite... Parenthèse. Ouais, une petite parenthèse. Ma copine me racontait qu'elle, quand elle était jeune, elle avait encore une TV avec un fil. Ah! Ce truc-là. Et puis, son père, un jour, dormait dans le divan. Okay. Et puis, parce qu'elle n'avait rien à faire et qu'elle avait des ciseaux dans les mains, elle l'a coupé. Oh! Donc, je trouvais ça très drôle. Oh, crime! Ça a été fun de l'avoir, ça, juste pour la voir, de quoi ça avait l'air. Hey, voir la face de son père aussi, ça devait être assez drôle. J'imagine. T'as coupé le fil. Ça change plus de poste, soudainement. Non, c'est ça, exactement. Tu connais-tu? Tu connais-tu? Je te parle comme... Tu connais ça? Tu connais ça, toi? Comme un mal élevé qui parle pas à radio. Tu connais-tu? William A. Mitchell. C'est un chimiste alimentaire, un chimiste culinaire, appelle-le comme tu veux, un food chemist, qui a aidé à inventer le Tang, le Cool Whip et les Pop Rocks. C'est la même personne. Le Cool Whip, ça, c'est la crème fouettée qui au congélateur. Dans un bol genre de margarine ou sinon en canne. Oh ouais, les Pop Rocks, c'est les affaires que tu mets dans la bouche puis que ça fait... OK, les pétillants, les bonbons pétillants. Exactement. Et puis du Tang, c'est du jus d'orange. Ah, oui. Le Tang en poudre, là. Est-ce que c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Donc, les trois produits inventés par la même personne, William A. Mitchell. Tu savais pas ça, hein? Aucunement. Aucunement. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'argent avec ça. Bonne question. Moi, j'imagine que oui. Thank you. Ça ressemble à ça. Il nous en reste deux dans ce premier bloc. Il était deux fois deux, c'est un fait. Donc, il en reste deux? Il en reste un après. Il y en a deux en tout. Là. Okay. Dans l'émission d'aujourd'hui. Ok, t'as fini ta... Non, il reste deux faits. Ben, c'est ça que je disais. Oh, c'est mêlant. Il en reste deux faits dans la première chronique de deux. Parce qu'il y a un spécial deux fois. Ouais, deux c'est ça, faits. C'est ça. Je te laisse aller. Oui, s'il te plaît. On va parler de dons sanguins. Maintenant. Okay. Savais-tu qu'aux États-Unis, à chaque 2 secondes, quelqu'un aux États-Unis a besoin d'une transfusion de sang? À chaque 2 secondes? 2 secondes. Il y en a un là. Ouais, ça finit jamais. Ça finit pas? Jamais. Plus de 38 000 dons de sang sont nécessités à chaque jour. Ouais. Savais-tu que les cellules... comment on appelle ça? Les cellules rouges? Ça se dit-tu comme ça? Les globules rouges. Merci beaucoup. Doivent être utilisés à l'intérieur de 42 jours après avoir été récoltés. Sinon, c'est plus bon. Sinon, c'est plus bon. Faut les jeter. Il y a comme une date de péremption. Un don peut t'aider à sauver la vie de 3 personnes. OK. Mm-hmm. C'est très bon. C'est très bien. Moins de 38% de la population américaine est éligible à donner du sang. 38%, c'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des gens que leur sang est contaminé ou pour une raison ou une autre ne peut pas être utilisé. Tout le sang donné est testé pour le VIH, l'hépatite et d'autres maladies infectieuses avant d'être envoyé à des hôpitaux. Si tu commençais à donner du sang à l'âge de 17 ans, donc vous avez 17 ans à la maison, vous commencez à donner du sang, à chaque 56 jours jusqu'à l'âge de 76 ans, vous aurez donné 48 gallons de sang et vous allez avoir aidé à sauver plus de 1000 vies. Aux 56 jours, là, c'est genre 2 mois, ça. Là. C'est pas dur, là, quand même. Non. Et puis, non, vas-y, t'en restes une? Non, c'est bon, vas-y, continue. En fait, juste pour dire, ici même à l'QTR, il y a une collecte de sang de Mont Québec qui se déroule aujourd'hui à 13h dans le hall. Le Al Barrett. Dans le Al Barrett Pavillon. Non, dans le hall du pavillon Albert Tessier. C'est organisé par l'Association des étudiants en sciences infirmières en collaboration avec le service de santé de l'UQTR. Donc, ici même à 13h dans le hall du Albert Tessier. Ça n'aurait pas pu mieux tomber. Pas plus. C'est génial. Pas plus. Aujourd'hui, pour les auditeurs du mercredi, évidemment. Oh, donc, oui, tout à fait. Voilà pour les dons de sang. On va terminer avec un dernier fait qui va peut-être vous faire saigner des oreilles. Celui-là. Hein? Ça me donne le goût de l'entendre. Et voilà. Des fois, il y a des films qui utilisent le mot fuck en anglais. T'sais. Ouais. Ça arrive, on peut dire à la radio parce que personne ne comprend ce qu'il veut dire. Je blague. Mais fuck. Bon, fuck. On a compilé le top 12 des films qui utilisent le mot fuck le plus souvent dedans. C'est un beau petit graphique via Gawker.tv. Vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com, le lien évidemment. Donc, c'est ça, c'est le top 12 des films. On va les nommer un peu en partant par la 12e position. Goodfellas. Menace to Society de 1993. Le premier Goodfellas, c'est de 90. Ensuite, il y en a trois. J'ai même pas dit les nombres de fuck. Les deux premiers, 300 fois le mot fuck. Troisième position, avec 311 fois, c'est Martin Lawrence Live. C'était un spectacle de Martin Lawrence, un humoriste. En 2002, la position numéro 4 a 313 fuck, Sweet 16. Quand même. Ensuite, Running Scared, Twin Town et State Property, qui ont environ 320 chaque. Alpha Dog en a 367. Casino de 1995 en a 422. Casino, c'est avec... c'est quoi? C'est Al Pacino, je crois. Ouais, ça se peut. C'est Robert De Niro et Joe Pesci. Voilà. Summer of Sam en 1999 en a 435. Neil by Mouth en a 470 en 1997. Et le numéro 1, c'est le documentaire Fuck, a documentary on the word fuck. Ça date de 2005. Il y en a 824, mais c'est un documentaire sur le mot fuck. On peut comprendre un peu, hein? L'effet. Bien sûr, la plupart des classiques sont dedans, Casino et Goodfellas, mais on ne parle pas de Pulp Fiction et de Big Lebowski, qui sont deux grands utilisateurs du mot fuck, mais ils ne sont pas dans le palmarès des 12. Vous pouvez aller voir, en fait, même que je crois qu'on a l'occasion ici, exactement, d'écouter un extrait du film Casino avec Robert De Niro et Joe Pesci. C'est une scène d'environ 2 minutes où on utilise 21 fois le mot fuck. À l'intérieur de ces 2 minutes-là, là, à peine. On écoute ça. Where the fuck you get off talking to people about me behind my back going over my head? What people? What people would you think? I wasn't going to find out. I don't even know what you're talking about, Nick. No? You said I'm bringing heat on you? I got to listen to people because of your fucking shit? You're ordering me out? You better get your own fucking army, pal. I didn't do anything. I mean, I didn't order you or anybody. I only told Andy Stone that you had a lot of heat on you and that was a problem. You want me to get out of my own fucking town? Yeah, I said let the bullshit blow over for a while so I can run the casino. Anything goes wrong with the casino, it's my ass. It's not yours, it's my ass. I don't know whether you notice or not, but you only have your fucking casino because I made that possible. I'm what counts out here. Not your fucking country clubs or your fucking TV shows. And what the fuck are you doing on TV anyhow? You know, I get calls from back home every fucking day. They think you went batshit. I'm only on TV because I gotta be able to hang around a casino. You understand that. You know that. Come on. You could have had the food and beverage job without going on television. You wanted to go on TV. Ça donne envie de regarder ce film-là. That way I'm a form. I can fight back. I'm known. People see me. Ça, c'est le film Casino. Ouais, ça. Casino, Joe Pesci, Robert De Niro. Le classique. What the fuck are you talking about? C'est à peu près ça. Voilà pour la chronique, c'est un fait. C'est intéressant, je trouve. Bien des affaires à apprendre. Bien des affaires à apprendre. Nicky, when you asked me if you could come out here, what did I tell you? I mean, you asked me and I knew you were going to come out no matter what I said, but what did I tell you? Do you remember what I told you? Do you remember what I told you? Back up a fucking minute here. 1 minute. D'accord, ça finit plus. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une autre chronique parce qu'il y en aura deux. C'est dans la spécialité deux fois de l'assemblage requis. Donc, deux chroniques, deux fois plus de niaiseries. Deux fois plus de fuck. The fuck? It's two fucking times more than ever. On va retourner, on va revenir à nos moutons, à notre un autre bloc deux fois. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Non, mais tu sais, à un moment donné, les pubs, ça attendra, là. Hein? Hey, okay. Hey, toi. Hein? Okay. Hey, tu fais bien d'en profiter. En fait, j'aimerais remercier deux fois plutôt qu'une la Banque nationale et deux fois plutôt qu'une les services aux étudiants. Maximum LQTR, donc. Eux qui sont aucunement associés au mot fuck. Non, tout à fait. Non. Aucunement, on se détache complètement de ça. Tout à fait. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, en fait, je vais vous dire ce qui se passe demain ici même sur le campus de l'UQTR. C'est ça. C'est merveilleux, ce sera en début de deuxième heure. Pour l'instant, on entend notre bloc, il était deux fois. On va entendre un petit peu de Yes Ayer. On va écouter la pièce O.N.E. Et puis tout à l'heure, il y aura Mandegreen, une pièce qu'on entend un petit peu moins souvent. Mais pour l'instant, O.N.E. O.N.E. Assemblage requis. C'est bon. Sur C'est fou, 89 FM. Oui, c'est bon, t'as raison. Tu sais qu'avec le soleil en plus, wow! Ça fait. It's my cheesy ass. écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Yes, c'est eux! Ils égorgent des chats! Ils égorgent des chats? C'est la pièce bon? Mondo Green, t'aimes ça? C'est bon, oui, je, oui. C'est vraiment, vraiment génial, je trouve. Really, really cool! Oh yes, so very, very good! In my mouth! C'était un autre bloc, il était deux fois. Donc, on vous présente toute la journée, en fait, pendant les deux heures d'émission d'Assemblage requis. Ouais, non, c'est ça. Pendant toute l'émission, si on veut, des blocs de deux pièces. D'un artiste qui est la même. C'est ça. Expliqué comme ça, ça a l'air exotique, un peu comme concept, là. Fait que il faut le détailler un peu. Mais deux pièces d'un même artiste. Oui, c'est ça. Back to back. On va faire plein d'argent, ça, je suis sûr. Ouais. Espérons-le. Espérons-le. C'est par le fait même la fin de la première heure de l'émission. On va se retrouver tout à l'heure avec une deuxième heure complète de musique en double. En double, je peux vous annoncer aussi les nouvelles de l'UQTR. Ouh. Et puis Ratata, je pense qu'on va avoir en doublé. Et Colin. Et hey, ça va être bon, ça va être la meilleure émission qu'on a faite à la vie. Je trouve. Best. Musicalement. Je sais pas. Non? Je sais pas. Probablement dans le top 3, mais. Dans le top 2. Dans le top 2, ouais, tout à fait. C'est un peu facile, mais c'est correct, je te la donne. C'est un peu mon domaine. Ouais, la facilité. Ouais. On se retrouve tantôt et il y a l'Info Campus qui s'en vient. Oh, une deuxième chronique, c'est un fait. Deuxième chronique, c'est un fait. Alors, restez avec nous. Restez deux fois. Deux fois, plutôt que nous. C'est fou ça, 89 heures. Assemblage requis est une présentation de la Banque Nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis. François-Yves Marchand est toujours là. Et Mathieu Plante. Chacun est là deux fois, plutôt qu'une, on lève les deux mains dans les airs, like we just don't care. C'est notre spécial, il était deux fois en ce beau petit mercredi. Deux fois. On aime ça, faire les affaires deux fois en même temps. Ben oui, Mathieu, ben oui. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? Hey Mathieu, écoute, tu voulais-tu... Là, je suis pas trop sûr. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là? Ben, je sais pas, j'aurais discuté des nouvelles de l'UQTR. Ben, discutons. Let's talk about it. OK, demain, au pavillon Albert-Tessier à 11h30, il y a une conférence concernant survivre sans emballage dans le cadre de la semaine québécoise de réduction des déchets. Ben oui. Découvrir des trucs et des conseils pour l'emballage intelligent des aliments. Donc, pour se conserver, pour sauver la planète, réduire nos déchets, évidemment. Et puis, toujours demain, à midi, au pavillon Michel Sarrazin, local 1051, et c'est gratuit, conférence sur les centenaires d'Okinawa. Madame Karine Gravel, doctorante en nutrition à l'Université Laval, nous partagera son expérience sur les centenaires d'Okinawa au Japon. Ses propos nous permettront de découvrir les facteurs qui favorisent le vieillissement optimal, donc l'alimentation, blablabla. Ça va être intéressant. Oui. Si et seulement si on veut vivre vieux. Ben, c'est un peu dans la même affaire que la réduction des affaires pour sauver la planète. Là. T'sais, la planète va vivre plus vieille et vous allez pouvoir vivre plus vieux sur cette planète-là, mieux en santé. Dans une planète plus en santé, tout le monde gagne. Deux conférences. J'essaie de faire un lien entre les deux. OK. Oui. C'est pour conserver. C'est la conservation des vieilles personnes et la conservation de la planète. Bon. De la planète, exactement. Ouais. On peut rien cacher, Mathieu. Ben, c'est ça qui est le fun avec toi. C'est vraiment merveilleux. Faut chercher un peu. Oui. Hey, t'as-tu entendu parler aussi du mouvement de ITR? L'ingénierie et Trois-Rivières, là? Oui. Non. Non. Movember. Movember. Movember. Comme mouvoir, bouger, Movember, non? Non. Comme moustache. Tout le mois de novembre. Là, je la comprends pas. Pour moustache. Le cancer. Movember, genre moustache. Ah! Blou, blou, blou, blou. OK. Movember. Avec le doigt, comme tu dessines une moustache sur le doigt, puis tu mets ça devant la face. Non, mais là, vraiment, en fait, il y a un mouvement de ITR qui sont en train de partir ça. Okay. C'est vraiment se laisser pousser la moustache pour combattre le cancer du... attendez, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est le cancer du pancréas. Ben, c'est une... Ou du côlon. Ou... Du quelque chose en main. C'est un cancer. Il y en a plusieurs cancers et ils sont tous de très bonnes causes avec lesquelles s'associer. Donc, on félicite ITR là-dessus. Puis, Mais est-ce que tu embarquerais, Mathieu? Est-ce que je peux maintenant te lancer un défi? Est-ce que je peux te faire une tranche de vie? Vas-y. Je suis pas capable de faire pousser le centre de ma moustache. Ça, pour la prostate. C'est pour la prostate. Bon, Colin, je suis pas capable de faire pousser ma prostate non plus. Donc, ma moustache ne pousse pas dans le milieu. Tu veux dire quoi? Attends un peu, regarde-moi, enlève ton micro. OK. Ben là, j'ai comme juste deux jours de barbe, là. J'explique pour les auditeurs. Ouais. C'est comme si t'étais Hitler, mais sans inversé. Sa moustache. Ouais, c'est ça, inversé. Ça ressemble à ça. Hitler inversé! Non, mais ça ressemble à ça? Oui, c'est exactement ça. C'est le contraire de Hitler. OK, ben, OK, mais est-ce que tu serais prêt à... À faire pousser mes coins de moustache? Ouais. Peut-être. Ouais. Ça pourrait être drôle. Pour le cancer de la prostate, en collaboration avec l'ITR, et puis on pourrait embarquer du monde. Je sais que peut-être Danny Janvier du Zinetcon, là, peut-être on essaie, là. Je pense que ce serait partant. Ben, j'aimerais savoir ça, par exemple. Ben, ouais, mais hier, on en a parlé, on a discuté. C'est Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui nous a apporté l'idée à moi et à Danny. Et puis on trouvait ça amusant. On voulait d'ailleurs t'en parler, Mathieu, donc je profite d'être en onde. Okay, mais... Comme ça, tu peux pas te défiler. Je suis partant. Ouais, t'es sérieux? Oui, oui. OK, tout le mois de novembre. OK. OK. Nous allons nous laisser pousser la moustache pour le cancer de la prostate. Au moins, c'est pour une bonne cause. Oh, ouais, les gens se font pousser la barbe pour les Canadiens ou peu importe. Ils vont faire des manifestations, les Nordiques. Hey, là, c'est une bonne cause, puis on peut faire de quoi? Tout à fait. Et puis, ce que je trouve noble aussi, c'est que je trouve ça quand même rare que les hommes se regroupent pour... Un cancer, oui, en fait. Oui, parce que d'habitude, c'est les femmes pour le cancer du sein, c'est bien en rose, porte une sacoche rose. Exactement, exactement. On voit tout le temps ça. Mais pour le cancer de la prostate, en fait, là, plus ou moins... c'est comme si les hommes... Ben, vous savez, les hommes ont plus de misère que les femmes à communiquer. Ouais. En général, là, je veux pas... Donc, je pense que... on s'en parle pas du cancer, nous, entre nous, les hommes. Peut-être que c'est plus facile pour les femmes de se parler du cancer du sein. Ces trucs-là, mais pour nous, c'est un peu plus dur. Donc, je pense que c'est un beau mouvement pour sans nécessairement parler. On va rencontrer des... Mais on va rencontrer des gens qui vont avoir des moustaches et puis nous autres ici, donc ça va être... Puis là, on saura plus comment différencier les gens louches et pervers des... Ah, mais ça va être bizarre, ça va être bizarre. Puis tu sais, il y en a qui ça pousse plus vite que d'autres, tu sais. Oui. C'est un mois, tout le mois de novembre. Je pense, sérieusement, ça fait comme 3 jours que je me suis pas rasé. T'as vu comment ça pousse pas vite, mes enfants? Sérieux? Hey man, je vais te shifter sa moustache, et moi. C'est sûr, tu vas gagner. Garanti. Hey Danny, genre de voir celle à Danny aussi, que Danny va être très drôle, soit dit en passant avec une moustache. En tout cas, il y a bien des gens qui n'ont pas vu Danny Janvier. Mais c'est ça, écoute, c'est pas confirmé. On va vous en reparler peut-être demain. Oui. On pourrait peut-être lancer l'invitation à nos chroniqueurs. OK, j'aime ça. Simon Fitzbé, Maxime Lemieux Larmé, François Landry, vraiment toute une chroniqueur. Danny pourrait faire pareil avec Jean-François Veilleux. On pourrait essayer de... Je sais pas. Écoute, je lance ça comme ça. Enfin, une collaboration entre les deux quotidiennes de C'est fou. On pourrait voir ce qu'on... Symbiose. Ouais, c'est ça. Puis écoute, on pourrait peut-être... je pense que ça serait le fun. Peut-être le Zone Campus pourrait en parler aussi. On va voir, du coup. Okay, peut-être que si on pousse assez, peut-être qu'on va pouvoir faire des petits twists, des côtés. Peut-être, je souhaite ardemment ne pas me rendre là, mais bon. Un petit souper spaghetti là, à l'italienne avec des moustaches. Si. Pasta. Mario. Mario Luigi. Mario. C'est excellent. Je te parle aussi d'une exposition de poésie québécoise qui va se dérouler au salon au deuxième étage de la bibliothèque. Uh-huh. L'exposition est présentée jusqu'au 21 octobre. Bibliothèque de l'UQTR dans le cadre des activités de du 26e Festival international de la poésie de Trois-Rivières. On va y trouver des œuvres lauréates des principaux prix littéraires en poésie depuis ces dernières années. Donc, ça va se dérouler. Ben, ça se déroule à la bibliothèque, ici même à l'UQTR, au deuxième étage. Donc, on peut aller voir ça. Et puis, bon, écoute, on va aller en musique, je pense. OK. Parfait. Je veux pas non plus monopoliser toute la thème. Et puis, je reviendrai peut-être avec de parler d'une conférence de Frédéric Gosselin. Et puis, de la formation Cidre. Qui va s'y dérouler demain. Vous êtes ensemble avec qui? Mario, allez. Mario Louis, musique. On retourne dans notre spécial Il était deux fois. Oui, c'est le spécial Il était deux fois aujourd'hui à Assemblage Rocky. Donc, on vous présente des blocs de deux pièces d'un même artiste et ou groupe. C'est souvent, c'est rarement et ou, là. C'est souvent ou, pas et. Ça pour dire que notre prochain bloc, c'est Ratatata. Ça va être très bon, on va commencer ça. Ben, en fait, vas-y, tu peux commencer ça avec l'une des deux pièces. Je te nomme les deux pièces. Très bon groupe, soit dit en passant, Ratatat, Gettysburg, et puis la pièce 17 Years. Donc, c'est un peu plus électro-instrumental. Ils chantent pas beaucoup. En fait, ils chantent, ben, il y en a qui chantent pas du tout. Il y en a qui chantent pas par tête? Du tout. Ça reste, il y en a pas? Du tout. Gettysburg. Très bon. Ratatat, assemblage requis sur ses fous. Thank you. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Ratatat et 17 years dans un autre bloc, il était deux fois à Assemblage requis au 89.fm. François? Oui! Hey Mathieu, c'était arrête ton choix pas de parler comme ça. Mais oui, Ratatat, deux très, très bonnes pièces. Que voulez-vous? C'était le spécial deux fois, j'ai pas pu résister à la tentation. Ben c'est bien. Délivre-nous du mal. Il n'y a pas de retenue ici, délivre-nous du mal. Commence pas que ta religion, toi lolo. Tololo. On va voir d'autres blocs qui étaient deux fois tantôt, dont un avec Tokyo Police Club. Tokyo Police Club. Mais avant, De quoi parlons-nous ici en ce moment-là? OK, ouais. Évidemment, Mathieu, je continue sur ce qui se passe à l'UQTR. Oui, c'est vrai, tu avais encore une nouvelle là-dessus. Oui, conférence de M. Frédéric Gosselin sur la reconnaissance des expressions faciales. Donc, une conférence qui peut être très intéressante et très utile si on pense des fois qu'on peut reconnaître en fait les expressions faciales, là, vraiment les détecter. Si quelqu'un nous met cette info-là. Mm-hmm. Donc, ça se passe à 16h au local 1108 pavillon Michel Sarrazin et c'est gratuit. Sais-tu qu'il y avait un désordre? J'avais vu un documentaire là-dessus. Le désordre, je sais pas trop le nom, là, mais qui fait que les gens ne peuvent pas reconnaître les gens. Genre, quand ils voient une personne, puis leur cerveau n'est pas capable de connecter la face avec le nom. Fait que même si c'est ta mère, mettons, ils ont ce désordre-là, et ils voient, mettons, leur mère, puis ils savent pas que c'est leur mère. Il faut que la personne dise « Je suis ta mère. » Ah, c'est ta mère. Tu sais? Ah oui, ouais. Tu parles de l'Alzheimer. Non, pas l'Alzheimer. Non, je sais pas, c'est la première fois que je... Tu peux avoir ça même très, très jeune. C'est toute la première fois que j'entends ça. C'est comme un syndrome, une maladie, quelque chose du genre. C'est quand même assez intriguant, ça. Ouais. Mais bon, ça n'a pas rapport du tout avec ce que tu disais, mais ça m'intriguait. Oui. Et puis, il va y avoir une formation aussi, CIDRE, pour le système de diffusion des résultats des étudiants. L'heure 13h30. Ça se passe au 2099 pavillon Ringuet. C'est une formation qui est destinée aux premières armes avec l'outil CIDRE. Et puis, vous voulez expérimenter toutes les fonctionnalités de ce programme. Donc, cette formation est pour vous. L'inscription est obligatoire. Sachez-le, la formation se donne aussi à 19h au local 2220 au pavillon Albert-Tessier pour ceux qui sont disponibles le plus de soir. Donc, ça se passe à ce niveau-là. Et puis, Mathieu, je pense que tu voulais que, quand tu m'as dit ça au début, tu voulais parler de d'autres choses. Est-ce que je me trompe? Ben, tu vas te tirer un petit peu avec une nouvelle, une affaire de concessionnaire, de quoi donc? Ben oui, tout à fait. En fait, c'est un voleur, OK? Ça s'est passé sur la rue Bellefeuille. Ça s'est passé le 10 juin dernier. C'est un voleur qui a rentré par infraction dans un garage sur la rue Bellefeuille. Il s'est installé dans le fauteuil du patron, OK, qui n'était pas arrivé encore. En fait, il était seul. Et puis, c'est ça, il cherchait de la marchandise, il cherchait de l'argent, ces trucs-là. Bref, c'est comme un voleur habituel, ouais, jusque-là. Tout se passe bien dans le sens que personne qui est au courant qui est là. Comme prévu. Oui, exactement. Jusqu'à temps qu'il y a un employé qui se présente au travail en début de journée. Et puis, en le voyant, en fait, le voleur, voyant l'employé, lui a annoncé que c'était lui le nouveau propriétaire du garage. Ah. Et puis, qu'il avait même acheté le dépanneur à côté, et puis un édifice à logement. Et là, bref, l'employé ne s'est pas laissé berner. Il a constaté aussi que l'individu avait des propos décousus. L'employé a communiqué immédiatement avec la police. Le monsieur n'a pas résisté à son arrestation. Et en le fouillant, les policiers ont trouvé 20 grammes de hashish dans ses poches. Le procureur a tenté de lui épargner une peine de prison ferme, mais son client ne lui a pas facilité la chose. Il y avait beaucoup d'antécédents. Et puis, Ben, au début, ça avait l'air possible. Il avait l'air de bien s'en sortir avec son histoire. Ben oui, ça avait l'air crédible. Ben oui, c'est tout à fait bizarre dans le sens que. Ouais. L'ancien boss est parti. Il était ami avec ses collègues de travail. Puis il est parti sans rien dire. Du jour au lendemain, un mercredi, même pas un lundi, même pas la fin de semaine. Mais non, un mercredi. Donne-moi ton nouveau boss. Puis le gars, il devait être un peu. C'est ça, pas tout là. Non, c'est ça. Parce que. Non. Eh ben, drôle d'histoire, j'aime ça. Sympathique. C'est bizarre, ouais. C'est sympathique. Un sympathique individu. De toute façon, il n'a pas résisté à son arrestation. Non. Il était trop. Est-ce que je peux utiliser le terme défoncé? Défoncé? Oui, je vais l'utiliser quand même. Tout à fait. Ben, moi, je te le permets. Merci. Ça va. Vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées tantôt. Vous savez que vous êtes à l'émission matinale en pièces détachées. Je vous apprends rien. À un moment donné, vous savez ça? Ben, si vous ne savez pas, hein, bref, là, vous le savez et ne changez pas de poste. Exactement. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est le spécial, il était deux fois. Donc, tout à l'heure, une deuxième chronique, c'est un fait, ainsi que le bloc, le poste d'écoute. Et Tokyo Police Club. Tokyo Police Club s'en vient. Restez là, c'est Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou ça. 89.1 sur le net au cfou.ca. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Oh que oui, c'est donc Assemblage requis qui est avec vous, là, là, en ce moment. Hein? Bien sûr, jusqu'à 9h en plus. Ben oui, jusqu'à 9h. On n'arrête pas avant ça, non? Non, il n'y a rien à faire. Non, on n'a pas le choix. Pas le choix, pas le choix. On a l'air d'être en sentence à vie en disant ça de même, mais on est là avec plaisir. Écoute, là, mon temps se finit à 9h. Libéré sur parole. On va parler de choses utiles. Et agréables. Et agréables. Oh, on joint l'utile à l'agréable. J'aime ça. C'est du jamais vu comme expression. Et cette entrée en matière douteuse annonce le début de C'est un fait, bloc numéro 2 pour la journée, parce que c'est dans la journée, il était deux fois à Assemblage requis, donc deux chroniques C'est un fait pour le prix d'une. Deux fois. C'est-à-dire votre âme. Votre âme. Vous payez votre âme. Commençons avec, pourquoi pas, celui-là. J'aime bien ça, ce petit fait-là, moi. Savais-tu que l'animal le plus mortel au monde est le moustique? Non, je ne savais pas. Les moustiques causent plus de 2 millions de morts par monde. Par monde. De 2 milliards de morts dans le monde par année. Voilà. Entre 800 000 et 1 million de ces morts sont du malaria. Les moustiques propagent aussi le virus du Nil, l'éphantiasis, la fièvre jaune et la fièvre de. Et là, je ne sais pas comment dire, dengue. Dengue. Dengue, dengue. Ouais, si on compare ça à des serpents venimeux qui ont seulement 125 000 morts par année, hein, petit chiffre. Les crocodiles en font entre 600 et 800 victimes par année. Et une liste de 10 animaux mortels est sur le site assemblagerequis.com. J'ai mis le lien là-dessus. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Selon la théorie de la relativité de Einstein, tu vieillis un petit peu plus rapidement quand tu es au sommet d'un escalier qu'à l'étage en dessous. Hein? Si on utilise sa théorie de la relativité, une horloge aurait l'air de passer le temps une horloge qui défilerait devant toi et irait de plus en plus loin à partir de la personne qui regarde aurait l'air de faire tic-tac plus lentement. Plus elle s'éloigne, l'horloge. Plus l'horloge s'éloigne, okay. Plus le temps a l'air de passer plus lentement. Selon la théorie de la relativité, c'est ce que ça dit. C'est pour ça que quand t'es loin, j'ai l'impression que le temps passe tellement pas vite, Mathieu. C'est peut-être ça. Hein? En tout cas, bref, vous pouvez lire un article de National Geographic sur le sujet, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Savais-tu que Barack Obama est dans la même famille, mais lointaine, que Sarah Palin et Rush Limbaugh? Ah. Selon une recherche effectuée par Ancestry.com, Palin et le président Obama sont cousins au 10e degré. Ils partagent un ancêtre commun qui s'appelle John Smith. Hein, John Smith, comme tout le monde s'appelle finalement, qui était un pasteur au 17e siècle au Massachusetts. Voilà. Rush Limbaugh, qui est un commentateur très, très anti-Obama et anti tout ce qui est démocrate, et le 10e cousin aussi du président Obama. On ne sait pas grand-chose sur leur ancêtre commun, Richmond Terrell, autre le fait qu'il était un propriétaire de terres en Virginie. Il était riche et il vivait au 17e siècle. On ne sait pas grand-chose, mais on sait plein d'affaires en même temps. Il faut en savoir plus, encore une fois, sur l'article assemblagerequis.com. Savais-tu que Walt Disney World est plus grand que 17 pays? Walt Disney World... Ah, ouais? Oui. Sacrifice. Oui, ça mesure 47 000 carrés, Walt Disney World. Le parc thématique à Orlando, en Floride, est plus grand que Tuvalu, Nauru, Monaco, Vatican City. Hein, quand même. Vatican City. San Marino, Bermude et plein d'autres petits pays et ces territoires qui les accompagnent. Ouais, intéressant. Oui. Connais-tu le code A113? A113, non, du tout. C'est un code qui est apparu dans presque chaque film de Pixar. C'est ce qu'on appelle un œuf de Pâques, un Easter egg. C'est une inside joke, si on veut, une blague interne parmi les employés de chez Pixar qui réfère au numéro d'une classe qui a été utilisée par plusieurs personnes au California Institute of the Arts, à l'Institut d'art de Californie. Plusieurs étudiants, d'anciens étudiants, si on veut, en design graphique et des étudiants en animation de personnages ont utilisé cette salle-là, dont les directeurs ou réalisateurs présentement chez Pixar, John Lasseter et Brad Bird. A113 a aussi apparu dans plusieurs épisodes de différentes séries télé. On parle des Simpsons, American Dad, Tiny Toon Adventures, Rugrats, Harvey Birdman, dans plusieurs films qui ne sont pas de Pixar aussi, dont le plus récent Terminator, Iron Giant, Lilo and Stitch et The Brave Little Toaster. Donc, on a tous le code A113 en quelque part, par exemple sur une plaque de voiture, des trucs comme ça. Ah, oh. Quand même intéressant. Mm-hmm. Sinon, ben, je pense que c'est pas mal ça pour la deuxième partie. de C'est un fait. Est-ce qu'on y va avec un dernier? J'essaie d'en trouver un au hasard. Ouais, ouais, vas-y. Au hasard, hasard total. Le mot « nerd » a été inventé, apparemment, ou en tout cas la première fois que ça a été pour décrire Mathieu Plante. C'est ça. Par Dr. Seuss dans « If I Ran the Zoo ». If I Ran the Zoo. Sais-tu que les chats peuvent entendre les ultrasons? Ben, je savais que les chats pouvaient entendre des sons que nous n'entendions pas. C'est ça, les ultrasons. C'est ça. C'est ça. Et puis, je crois que j'ai peut-être déjà dit celui-là, mais il va t'intéresser quand même. En moyenne, il y a 178 graines de sésame sur chaque pain Big Mac chez McDo. Comment? Comment dis-tu? 178 graines des choses de sésame, ah, ouais. De sésame. En moyenne? En moyenne, sur un Big Mac. Voilà. Je pensais qu'il y avait beaucoup moins que ça, dans le sens où ce qui épargne là-dessus aussi. Ils font faire des pains avec moins de graines. Écoute. C'est pas pire. Ouais. Eh. Et voilà, ben on finit sur cette note-là. C'est une drôle de note de fin, je trouve. Ouais. Ah, ben, OK. Un dernier qui va mieux finir la colique, parce que je trouvais que ça finissait louche un peu. En 1974, Gerber, tu connais la compagnie Gerber? C'est ceux qui fabriquent la petite nourriture pour enfants, tu sais, les petits pots de bouffe pour enfants. Les petits pots, là. Ouais. C'est ça. Gerber a présenté les Gerber Singles pour adultes. C'est des oui, c'est vrai. C'est des petites portions dans des bocaux presque identiques à ceux utilisés pour la nourriture pour enfants, mais c'était pour les adultes, les Gerber Singles. Ils essayaient de se creuser un nouveau marché, t'sais. Les adultes, comme collation, un petit pot de nourriture pour bébé. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment très bon. Ça. Ben, toi aussi? Oui, je trouve ça vraiment très bon. Mais, tu sais, je sais pas si j'achèterais ça comme je m'en vais faire mon épicerie, je vais prendre du Gerber Singles. Peut-être. Je sais pas. Ça a pas marché, fait que peut-être qu'il y a pas grand monde qui sont intéressés par ça. Ils l'ont jamais essayé. Arrêtez de juger le monde qui mange ça. Mm. Colin. Ouais. Ça finit pas vraiment mieux, finalement, la chronique. Non, ça finit pas vraiment mieux, mais bon. On va mettre un frein à ça tout de suite. On passe à autre chose. Ben, rue pas de mon rire. C'est un rire taquin. Une autre chronique, c'est un fait demain à Assemblage Requis. Pour l'instant, François-Olivier Marchand. Oui. Qu'est-ce que t'en dis si on retourne à nos moutons de l'émission spéciale Il était deux fois? Moi, je te dis qu'il reste 15 minutes, mon ami. Okay. Donc, il faut quand même faire vite. Et crime, c'est vrai, il reste juste 15 minutes. OK, on fait ça très, très vite. C'est deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Peu importe. On va faire ça très vite, dit le gars qui met une intro de 20 secondes pour chaque chronique qu'il fait. On va écouter un petit peu de Tokyo Police Club. On va s'entendre la pièce qui est sur le palmarès en ce moment et qui fait fureur. Fureur, je te dis, François-Olivier. Fureur. Fureur. C'est la pièce Bambi. On écoute ça à l'instant. Tokyo Police Club. Tokyo Police Club. Et après ça, on va se taper un vieux classique de Dans le Tain. Puis on va faire ça bien vite. On va pas couper les pièces en deux, là, quand même, par exemple. Ben, on n'est pas d'autres radios. Insérer n'importe quel nom de radio ici et ça va fitter dans la phrase. Couper les pièces en morceaux. Non. pictures with us. You don't need to change. Oh, give us your vote. Wow. Un bloc de deux pièces avec Tokyo Police Club. Ça, c'était un classique Your English is Good qui date des palmarès d'antan, on pourrait dire. D'antan. D'antan. C'était sur leur album Elephant Shell. Avant ça, on a entendu leur classique dans ce moment, donc leur nouveau classique instantané, Bambi. Sur très bonne pièce aussi. Ben, tout à fait. Sur leur album Champ. Champ, champ, champ. Champ. Maintenant, François-Olivier Marchand. Oui, Mathieu Plante. Oui, toujours Assemblage Requis. C'est le moment de réintroduire un élément qu'on a perdu avec le temps. On a perdu ça avec le temps, je t'annonce ça comme ça, vite de même. Là. Mais vas-y, écoute, on n'a pas de temps à perdre. Là. Direct au but, mon gars. Drôle de moment dans l'émission où introduire un bloc, là, un petit peu à la fin de l'émission comme ça, mais on ramène le poste d'écoute sur C'est fou, 89.1. Yeah! Oui, c'est le bloc Le Poste d'écoute à l'intérieur d'Assemblage Requis. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est une émission qui a duré en tout 5 ans, de l'été 2004. En fait, j'ai commencé à animer assez fou en janvier 2004. Donc, de l'été 2004 jusqu'à l'été de 2009, il y avait une émission qui s'appelait La Chance aux coureurs, ici sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, où toute l'équipe de C'est fou se rassemblait dans le studio. On avait choisi des disques au préalable qu'on avait écoutés. Et là, on les partageait, on les découvrait, on les faisait découvrir aux gens. Au fur et à mesure que le temps a avancé, les gens ont quitté l'émission jusqu'à temps que Danny Janvier et moi, l'animateur du Dîner de con, et moi-même, on animait l'émission La Chance aux coureurs ensemble, où on n'écoutait pas les CD à l'avance, on les mettait directement dans le lecteur, on les faisait jouer. On les arrêtait quand c'était pas bon. Donc, ce qu'on a décidé, on a parlé, Danny et moi, Danny Janvier, Mathieu Plante, on a parlé, discuté, et on s'est séparé le concept en deux. D'accord? Donc, Danny a gardé la portion, on écoute des disques sans les avoir écoutés à l'avance, en direct à la radio, et on les arrête quand c'est pas bon, on en fait jouer plus quand c'est bon. Ça, c'est le concept de Danny Janvier qui va conserver et qui continue de faire depuis le début du Dîner de con. Ça s'appelle La Chance aux coureurs. C'est dans son émission Dîner de con. Moi, je garde la portion où j'écoute un petit peu le CD à l'avance, et quand j'aime ça, je le fais jouer beaucoup. Et quand j'aime pas ça, je l'oublie, puis on passe à d'autres choses, mais je le fais pas jouer en ondes. Donc, ça, c'est la portion, le poste d'écoute qu'on fait ici dans Assemblage Requis. Est-ce que c'est clair, la séparation et la ligne? Oui, tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui on va écouter le groupe Fun, qui est un groupe new-yorkais, myspace.com/fun. Donc c'est ça, ils ont un album de luxe, Aim and Ignite, en ce moment disponible sur iTunes. Vous pouvez aller sur MySpace, entendre des pièces. C'est Alain Lefebvre, directeur de la programmation, qui m'a dit « Mathieu, tu vas sûrement aimer ça ». Et par le fait même, j'aime ça, donc on écoute la pièce pour commencer, « All the Pretty Girls », tout de suite dans le bloc Le Poste d'écoute d'Assemblage Requis. Pretty girls on a Saturday night. So I call your name, cross my fingers, uncross the others, hesitate. Oh, I don't think straight with nothing to prove. Break and take all the words from my mouth. I wish all the pretty kisses, falling in love. Oh, come on, oh, come on, what's a boy gonna do when all the pretty girls can't measure you? C'est réussi ça, François? Pas pire, pas pire. Pas mauvais du tout, c'était la formation Fun avec la pièce All the Pretty Girls. On va écouter la pièce Walking the Dog pour terminer l'émission. C'est ça, oui, on va vous laisser là-dessus. Tout à fait, on doit se laisser. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent dans quelques minutes. Donc, on va se retrouver demain matin à partir de 7h avec une toute nouvelle édition d'Assemblage Requis. Qu'est-ce qu'on a demain? Demain, grosse journée aussi. On reçoit François Landry avec sa chronique L'Ogrocratie 101. Simon Fédibé. Avec Phénomène. Restez sur nos ondes tout à l'heure à 10h. Il y a Connaître ensemble. À 11h, le dîner de con. Dany va évidemment une fois de temps en temps dans l'émission. Un peu comme nous, c'est une chronique récurrente, le poste d'écoute. Donc une fois de temps en temps, ça arrive. Dany va continuer sa chance au coureur, comme on l'a expliqué tantôt. Voilà, on se quitte sur la pièce Walking the Dog de Fun, une formation new-yorkaise. On rappelle myspace.com/fun. François, passe une excellente journée. À vous aussi, Mathieu Plante. Puis les requins aussi. Ben oui, ben oui. Bye. Bye-bye.